Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr pour ce nouveau numéro du mag, un numéro durant lequel, comme chaque semaine, nous allons faire pour vous un tour d'horizon de l'actu comics VO et VF, mais également vous parler des news en ce qui concerne les adaptations de comics au cinéma et à la télé. Pas de questions de la semaine cette semaine, un presque comics de la semaine consacré à Deadpool. Je suis Mathieu et vous allez écouter le mag du 1er mars 2016. Et avec moi cette semaine, Arnaud. Salut. Et Clément. Salut. Et sans doute un caméo d'Irish à un moment ou un autre. On va commencer comme d'habitude, l'actu télé. Et comme souvent, on commence par les séries Netflix. Et c'est toi, Arnaud, qui nous en parle. Alors que Clément aurait pu. J'ai piqué le truc avant. Et oui, il y a Daredevil qui arrive bientôt, mais on attend toujours des infos d'Iron Fist. Toujours rien d'officiel, mais il y a une rumeur de casting, puisqu'on sait que l'acteur a déjà été choisi. Et selon la rumeur, ce serait un acteur de Game of Thrones, donc un acteur qui s'appelle Finn Jones, hein, qui joue en fait Loras Tyrell dans la série, le blond avec les cheveux bouclés pour ceux qui visualisent. Et donc c'est un site d'info qui a sorti l'info. Le site s'appelle Hashtag Show, mais ils avaient déjà annoncé un casting en exclu, disons. Ils avaient annoncé le casting de Slingshot dans Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. qui avait été confirmé quelques jours plus tard, hein. Et là l'info a été reprise, et d'après les sources d'autres sites comme Entertainment Weekly ou Variety, ce serait sûr. Mais toujours aucune info officielle de la part de Marvel. Ouais, ok. Bon, bah, malgré notre lobbying, Clément ne jouera pas Daniel Rand. Dommage. Tu vas pouvoir te consoler avec une autre série, Clément, Marvel's Most Wanted. Et on a un synopsis. Oui, enfin. Donc, faut le rappeler, Marvel's Most Wanted sera centré sur le personnage de Mockingbird et de Lance Hunter, donc deux personnages issus de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Et donc, comme dans Agents of S.H.I.E.L.D., ils seront toujours deux ex-espions, deux ex-époux. Et en fait, ce synopsis nous apprend qu'en fait, visiblement, leur tête va être mise à prix, si j'ai bien compris ça. Oui. Une tête mise à prix par un tas d'ennemis qu'ils ont visiblement connus. Et ils vont, en conséquence, pour régler ce léger problème, ils vont devoir s'allier avec Dominic Fortune, donc un espion avec plein de ressources et aussi plein d'adversaires. Et en fait, en l'échange de sa protection, ils vont devoir également l'aider, si j'ai bien résumé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, bah du coup, on peut mettre une petite pièce sur une mention à Boba Fett dans le pilote? Tu crois? Oh, à tous les coups. Au moins dans le texte, hein, ils ont tous les chasseurs de primes au cul. Voilà. Pas faux, ouais. La licence leur appartenant, je sais pas. Allez. Bon, ben, c'est à peu près ce qu'on pouvait deviner d'après le titre, hein. Y a pas. Ouais, oui. Enfin, franchement, ça vend pas du rêve, quoi. Ouais. La seule chose qui va être intéressante, c'est de savoir comment ils vont amener cette série dans Agents of S.H.I.E.L.D., quoi. Oh, ça, bah, suite à Civil War, peut-être. Ouais, Peut-être sûrement. de ouais. schisme avec le Shield, avec d'autres. Voilà. Bah, après, ça vend pas de rêve. Moi, voir Mockingbird en mode un peu badass, Ah undercover et tout. Oui, non, ça peut être. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs personnages. Et même, j'aime bien aussi sa relation qu'elle a avec Hunter. C'est des personnages qui sont assez. Enfin, qui sont plutôt fun et tout ça. Donc, ouais, c'est des pers ouais, mais c'est des personnages intéressants dans Agents of S.H.I.E.L.D. avec la dynamique de groupe. Oui, mais après, c'est ça. C'est intéressant. En lead, je suis pas sûr. Hein. Voilà. Je préfère ça à Most Wanted avec White Canary et Heatwave, par exemple. Oui. Ça vend moins de rêve, bien sûr. Non, mais je veux dire, ok, c'est deux persos qui fonctionnent très bien ensemble. Mais après, voilà, le coup du chasseur de primes, enfin, leur tête mise à prix et tout ça, j'ai peur que ça soit, voilà, que ça risque d'être un peu chiant, quoi, et que ça ne va pas durer sur le long terme. À voir déjà si elle est commentée. C'est qu'un pilote. Oui. On verra. Voilà. Alors décidément, tout est à l'envers cette semaine, c'est Arnaud qui parle d'Iron Fist et c'est Clément qui parle de Legion. Oui, Legion, une série dont je n'ai absolument toujours pas compris ce que ça va être. Et donc là, c'est un nouveau personnage qui a été, enfin une nouvelle actrice qui a été castée. Et donc ça va être l'actrice Amber Mid-Thunder, donc qui a joué dans Banshee, jouera le rôle de Kaylee. Ça sent Legend, hein, voilà. Allez, on. Ça a l'air très bien, hein. Oui. Toi, l'histoire du fils du professeur Xavier, ça peut être très bien. Hein. Toi, tu y crois, c'est bien. Au J'y crois moins. pour ça, pour la chaîne. Il en faut. Allez, on va passer aux séries un peu plus indé avant de parler de DC. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'indé quand on parle de Walking Dead? On le sait, Negan arrive. Et Negan, c'est un personnage très particulier, très attendu des fans. On le sait également, qui fera son apparition le 3 avril dans le final de la saison 6. Ce personnage a une caractéristique particulière, c'est qu'il a un langage très fleuri et qu'il utilise fuck à toutes les sauces. Ça, c'est Enfin, bien. tu Non. n'auras pas le droit de faire. Hein. Tous les trois mots, on a ça. Et donc, du coup, la prod est très embêtée. Tu La m'étonnes. prod Interdit. est très embêtée. Voilà, ils vont filmer. Ils auront deux versions de la scène d'apparition de Negan, en fait. Une version où tout est dit, tout est filmé, et on aura le Negan qui parle comme dans les comics. Mais Robert Kirkman est bien conscient qu'il va devoir sans doute en couper un peu. Alors, il espère pas tout, mais au moins un peu. Et du coup, voilà, sur AMC, on découvrira une version peut-être un peu plus allégée des propos de Negan. Mais dans la version DVD Blu-ray, on aura bien ce que Greg Nicotero appelle le full octane Negan. Donc, c'est-à-dire Negan, voilà, pure souche et complètement vulgaire, trash et comme on l'aime dans la BD. Ça peut paraître dommage de ne pas avoir effectivement ce vrai Negan et d'être obligé de se plier comme ça aux règles. C'est la vie, hein. Après, même s'ils disent pas fuck, ils peuvent toujours dire autre chose, ils peuvent toujours dire shit et compagnie. Hein. Ils peuvent dire oh my god. Après, voilà, c'est juste pour remplacer fuck par shit, bon, je vois pas l'intérêt, autant dire fuck. Ça. Bah, c'est juste qu'à la télévision américaine, sur une chaîne comme AMC, fuck est interdit, mais shit est accepté. Ah. Les Américains. Voilà. Bref, donc voilà, sans doute deux versions pour l'apparition de Negan, une première à la télé un peu édulcorée et une vraie version comme on attend dans la version DVD Blu-ray. Voilà. Riverdale, adaptation de Archie, comics que moi j'aime beaucoup, en tout cas plus depuis sa refonte par Mark Waid en 2015. On avait dit que Betty avait été castée il y a peu de temps. Eh bien, ça y est, on a une autre grosse vague de casting. Et la série a enfin trouvé son Archie, d'après Deadline. Il s'agirait de l'acteur néo-zélandais Kaji Apa. Alors, Vais. vous dire où est-ce qu'on a vu ce jeune homme? J'ai regardé, il a joué juste dans un soap néo-zélandais. Voilà. Après, je suis allé faire mon petit Google Earth, hein, et voir un peu à quoi il ressemble. Ouais, avec les cheveux roux et tout, pourquoi pas? C'est bien un casting CW encore. King top modèle est pas cher. Voilà, après avoir si voilà si va être talentueux. C'est moins Et pas sûr. assuré sur CW. Veronica Lodge, quant à elle, a été également castée. Elle sera interprétée par Camila Mendes. Qui jouera donc l'autre love interest d'Archie, parce qu'on sait que Archie est tiraillé entre Betty et Veronica. Donc actrice, bah là aussi, hein, suffit de voir sa tête, hein, CW à mort. Si c'est pas lui à mort, c'est ce que j'allais dire. C'est voilà, c'est incroyable. Elle aurait pu jouer dans les séries Disney Channel aussi. Bah, tu déjà, Bah, la somme de tes faits. tu tapes le nom de l'actrice dans Google Images. On a Voilà, également, ouais, on a également tu fais ton appris affaire. que Ashley Murray jouerait Josie et que le père d'Archie, Fred Andrews, serait joué par Luke Perry. Ouh. Voilà. Quant à Sherry Blossom, elle sera interprétée par Madeleine Petch. Donc voilà, une grosse vague de casting a été annoncée. Ça avance pour la série. Quand elle a été annoncée, j'avais vraiment hâte, hein, de la découvrir Et maintenant. parce que voilà, j'aime bien les comics nouvelle version d'Archie et tout. Et bon. N'oublie pas que c'est Berlanti à la production. On parlera d'autres castings tout à l'heure, mais pour faire simple, les castings de la semaine m'ont pas franchement emballé. Un autre casting qui est tombé, mais qui concerne comment dire, dommage collatéral les comics, c'est pour The Flash, Clément. C'est ça. Là, c'est. Ouais, dommage collatéral de comics, série par rapport à une autre. L'acteur qui incarne Jay Garrick, Tady Searles, Enfin, si, c'est ça, Teddy Ouais, Sears, Teddy Sears, ouais. va quitter la série au profit du reboot tant attendu qu'on n'avait absolument pas besoin de Fox. Putain, de Fox, oula, de 24, pardon, de Voilà, de 24 24 Legacy. sur la Fox. C'est ça, de 24 sur la Fox. Donc, Voilà. 24 Legacy qui trouve Teddy Sears, pourquoi Teddy? Teddy Sears, dans son casting. Et du coup, ça sonne un peu le glas de l'acteur dans la série Flash, hein. Une Ouais, complètement concurrente, série a priori hebdomadaire, enfin voilà. Bon, ouvrez les guillemets, Jay Garrick, fermez les guillemets, ne sera donc plus là l'année prochaine. c'est ça. On pouvait s'en douter. On pouvait s'en douter, effectivement. On va pas, Jay on va rien dévoiler, hein, mais voilà. C'est ça, mais Jay Garrick, ouvrez les guillemets, ça correspond très bien. Young Justice, cette fameuse série animée annulée au bout de 2 saisons et très maltraitée par Cartoon Network comme la plupart des séries animées que Cartoon Network diffuse, il faut quand même en être conscient. Il y a toujours eu une grosse fanbase pour la série qui a rencontré un succès à la fois critique et public assez incroyable pour une série animée de comics. Voilà, toujours les fans demandent une suite, etc. Et puis ces dernières semaines, on avait pas mal de rumeurs comme quoi peut-être des solutions pourraient être trouvées pour faire revenir la série pour une saison 3 et du coup boucler les intrigues parce qu'on se quitte sur la fin de saison 2 sur des choses pas du tout bouclées. Merci Cartoon Network. Dernière pierre apportée à l'édifice cette semaine, c'est le showrunner lui-même de Young Justice qui s'est déclaré prêt pour faire éventuellement une troisième saison si elle était proposée. Voilà. Mais personne ne lui a demandé son avis. Donc le showrunner c'est Brandon Vietti, hein, je l'ai mentionné. Pourquoi ce gros regain d'intérêt autour de la série? Tout simplement parce que la série animée et les 2 saisons sont arrivées sur Netflix et on sait que Netflix est la maison des secondes chances et des suites en ce moment. Donc voilà, ça a un peu ravivé la flamme, etc. Donc les doubleurs se sont déclarés prêts aussi à revenir. Enfin voilà, tout le monde est prêt pour le faire, il manque juste un feu vert en fait. Ah mais Netflix est plutôt copain avec Disney. Entre la reprise de Clone Wars, enfin de Star Wars Clone Wars, les séries Marvel, ils sont plutôt copains avec Disney. Après, voilà, enfin, moi, perso, si on me dit qu'il y a une suite, ok, mais je demande même pas forcément une nouvelle saison. Des fois, juste un téléfilm ou un truc pour boucler le Ouais, truc, un c'est bien, téléfilm. quoi. Oui, Juste pour les fans, ce serait déjà bien. qu'on boucle ce qui était ouvert et qu'on finisse un peu mieux que cette espèce de merdasse, voilà, avec la diffusion n'importe comment de Cartoon Network et l'annulation, enfin, Cartoon Network qui n'a même pas officialisé l'annulation, quoi. Ah, C'était quand même ouais, assez il y a eu terrible. ça. C'était quand même assez terrible, quoi. La série était plus diffusée, on la voyait plus apparaître dans les grilles, sans savoir pourquoi, et puis bah au final, au bout d'un moment, on a bien compris que c'est parce qu'elle est annulée. Donc Ah, putain, ils ont même pas les couilles, quoi. voilà. Une série qui aura peut-être des couilles, elle. Powerless, le Ouais. fameux projet de sitcom de DC, et là encore des castings, Arnaud. Ouais, et ben moi ça me fait rêver. Peut-être pas le premier, non, que je vais te dire, ça fait pas rêver, mais les autres, ouais. Alors le premier, celui le moins intéressant, quoique à voir, hein, c'est celui de l'héroïne de la série, qui sera jouée par Vanessa Hudgens, qu'on a Oh vu mon dans Dieu. High School Musical. Hein. Donc pour rappel, Powerless, en fait, c'est une comédie située dans l'univers de DC, où en fait, ça c'est une comédie de bureau type The Office, où en fait des assureurs règlent les problèmes créés par les super-héros, en fait. Et donc Vanessa Hudgens va jouer Emily Locke, l'héroïne, qui est donc une assureuse, qui adore son boulot, elle adore aider les gens. Elle aime se faire discrète au boulot et faire le boulot comme il faut, sauf que sa vie devient un peu compliquée quand elle a un nouveau patron un peu chiant. Et surtout, elle déteste, malgré son boulot, elle déteste les super-héros qui bousillent sa ville, en fait. Et donc ça, c'est pour le casting le moins intéressant. Et donc pour les plus intéressants déjà, il y a Teddy n'importe quoi. Danny Pudi qu'on a vu dans Community. Et qui fait un caméo dans Captain America Winter Soldier, qui va jouer justement Teddy, le meilleur ami d'Emily, qui est décrit comme son meilleur ami et personne à qui elle a confiance qu'elle a confiance tout simplement. Friendzone. Et donc c'est un, hein? Friendzone. C'est ça. J'espère pas. Et c'est en gros le mec blagueur du boulot. Ah ouais, Ensuite, il y d'accord. a Alan Tudyk. Cisco, Cisco. Alan Tudyk qu'on a vu dans Firefly, hein, qui va jouer Dell, le patron connard, le nouveau patron connard d'Emily. Cat Grant, ouais. Qui n'a pas obtenu la promotion parce qu'il est doué, mais parce que c'est le fils du patron de la grosse boîte. Et il est décrit comme un dictateur au boulot. Et ensuite, c'est Christina Kirk, hein, qui est aussi une habituée des comédies, qui jouera Jackie. Jackie, c'est une fan de super-héros. Elle a rempli son bureau de, comme ils disent, de beefcake shots, hein, en fait, de photos de super-héros bien musclés et qui font mouiller les petites culottes des femmes. Et donc elle va devenir là, en fait, l'assistante personnelle de Dell, donc du patron. Félicité. Donc l'assistante du patron qui va devoir faire toutes ces demandes qui sont décrites comme impossibles et extravagantes. Ouais, bon, après le casting en lui-même, bon, sauf Vanessa Hudgens, parce que voilà, sauf s'ils veulent faire un épisode musical, voilà. C'est ça. Le casting en lui-même, bon, voilà, mais ces personnages, c'est. C'est des descriptions Intéressant. basiques, ouais, souvent enfin, comme ouais. ça, hein. Y a rien qui me vend du rêve, Moi non malheureusement. plus. Bon, Bah, une comédie dans un univers super-héroïque. déjà, ça commence par sitcom, donc forcément, ça me vaut pas. C'est Ah, ça. voilà, mais ça, c'est personnel, Sitcom hein. dans l'univers de DC, déjà. Ouh là là. Bah, Marvel fait la même chose. Oui, voilà, non, mais ça, après, voilà, ils veulent explorer une nouvelle branche. Au moins, ça change de daube qu'on pourrait avoir sur la CW ou tant d'autres choses, hein. Sur la Fox. On aurait pu nous faire un spin-off de Legends of Tomorrow Ah sur les oui! frères Prison Break, hein. Ah oui! Ah mon Dieu. Prisons of Tomorrow. Non, ça serait cool. Prison Bon, voilà, Break. Powerless, je donnerai sa chance, hein, comme à toutes les séries comics. Mais bon. De toute façon, elle sera vite annulée puisque ce sera sur NBC si elle est Déjà, commandée. sera-t-elle commandée? C'est ça. Ils vont se dire, ah merde, il y a Vanessa Hudgens dedans. Bon bah non, en fait. Parce qu'il faut voir le pilote aussi, hein. Oui, voilà. Faut que ça passe quand même cette étape-là. Bien, allez, on va boucler la partie télé riche en casting pour cette semaine et passer à l'actu Comics VF. La semaine dernière, on n'avait rien du tout. Cette semaine, on a un petit peu, surtout Panini qui communique sur des sorties pour l'été. En ce qui concerne les Deluxe, on aura Ultimate Spider-Man tome 10 et Ultimate X-Men tome 10 pour le début de l'été. Et on aura également en Deluxe Spider-Man de Brian Michael Bendis et Sarah Piccelli au dessin. Voilà, Brian Michael Bendis quand il savait encore faire des bons scénarios. Pour cet été, on aura beaucoup de Thanos. On aura la mini-série Thanos versus Hulk qui sera publiée en graphic novel en juin. Et puis en juillet, le prologue aux gants de l'infini Thanos Quest en Marvel Gold. Puis en août, The Infinity Finally qui sera publié en graphic novel. C'était sorti en format single en VO, cette série-là, mais comme Panini a mis les deux histoires de la trilogie en graphic novel, ils vont, par souci de cohérence, garder le même format graphic novel et proposer ça en librairie directement. Et ça sera pour le mois d'août. Donc un choix intelligent pour Panini. Une fois. Deux nouveaux 100% également, Silver Surfer tome 3, la fin de la série avant Secret Wars pour le mois de juin, et le deuxième tome de Spider-Gwen en juillet. Et puis pour boucler le programme niveau des Deluxe, on aura Original Sin en juin, le fameux crossover de Jason Aaron, le tome 4 de Thor par Matt Fraction également en juin, et pour finir, le tome 4 du Punisher de Garth Ennis en juillet. Voilà pour les annonces qui sont tombées cette semaine chez Panini. Pas grand-chose qui me fait rêver. Non. On va être honnête, hein. Pas grand-chose qui me fait rêver. Est-ce que ce qu'a annoncé Glénat, enfin ce qu'a confirmé Glénat, parce qu'on savait ce qu'allait sortir, on n'avait juste pas encore vraiment la date, est-ce que cette annonce-là va plus nous faire rêver, Arnaud? Bah, ça va sans doute faire rêver les fans. Donc, avec l'arrivée de la nouvelle saison de X-Files, qui s'est terminée aux États-Unis mais qui vient d'arriver en France, Panini avait annoncé Glénat. sortir les. Oui, pardon. Glénat avait annoncé vouloir sortir les comics. Et donc, ils ont annoncé pour le 25 juin le premier tome de X-Files. Donc, le premier tome de X-Files, en fait, c'est la série qui continue la série télé, en fait. La C'est ce 10. qu'ils ont annoncé comme la saison 10, voilà. Est-ce qu'on peut réellement appeler ça la saison 10, puisqu'il existe une saison 10 maintenant en version télé. Mais donc, c'est la suite de la série, en fait. Donc, X-Files tome 1 le 25 juin. Et juste avant, le 15... je dis n'importe quoi, le 25 mai. Oui. Et le 15 juin, par contre, ce sera le X-Files Archive tome 1. Et en fait, c'est une collection qui va reprendre toutes les histoires en comics sorties pendant la série télé. Donc des histoires publiées pendant la saison 1, 2, 3, etc. Voilà, donc deux collections. La collection Archive qui va reprendre des choses qui se déroulent pendant la série télé. Et la collection X-Files, tout court, qui va prendre ce qui s'était appelé saison 10 en VO. Qui est la suite. Voilà, qui d'après, quand on compare les critiques entre la version télé et la version comics, c'est celle-là, la saison 10. Ah ouais? Donc fan de la série, elle est là, votre saison 10. Déluge d'éloges pour cette saison en comics, donc voilà. C'est ça qui à l'époque m'avait motivé à commencer la série télé pour pouvoir le lire, c'est vous dire si les critiques étaient bonnes. Ah ouais, alors ceux de la pour série le moment, télé... J'en suis au milieu de la saison 1, je suis donc encore loin de ce chemin, mais voilà. Enfin oui, intéressant. En tout cas, c'est une grosse prise pour Glénat, avec la hype autour de la série en ce moment. Allez, je vais vous parler du pas comics de la semaine, puisque ce n'est pas un comics, mais c'est un personnage comics. C'est Deadpool Apocalypse Chiot, qui est un roman. Alors Marvel c'est écrit des romans autour de ces personnages. On ne les avait jamais eus en français jusque-là. Et Huggin & Munin, c'est un fameux éditeur qui fait beaucoup plaisir aux geeks, c'est décidé d'adapter ses comics en VF et ses romans, je veux dire, en VF. Et du coup, on a deux qui sont sortis à la fin du mois de février. On a celui sur Deadpool, donc Apocalypse Chiot, et on en a un sur les Gardiens de la Galaxie. Et puis au mois de avril, on aura droit à Civil War en roman et un autre, je ne sais plus. Enfin, il y en aura un quatrième. Apocalypse Chiot, c'est quoi? C'est du Deadpool pur craché, c'est-à-dire que des tout mignons petits chiots commencent à se transformer en monstres géants. Et du coup, qui est-ce qu'on appelle pour régler le sort à ces créatures? On va franchement se l'avouer, grotesque. Eh ben, c'est Deadpool, évidemment. Deadpool va être appelé à la rescousse par le Shield et par l'agent Preston du Shield, qui est dans les comics. Donc on est face à une histoire qui respecte purement la continuité des séries récentes de Deadpool en comics. Donc on retrouve l'agent Preston, on retrouve tout ce qu'on a lu le dernier run de Gary Duggan et compagnie. Enfin voilà, tout est intégré et ça c'est une des grandes forces du coup de ce bouquin, c'est que quand on lit les comics, on est super content parce qu'on retrouve plein de personnages qu'on a aimé lire dans une version écrite, et quand on ne les lit pas, on n'est pas perdu du tout parce que Deadpool est en permanence en train de briser le quatrième mur. Et de tout nous réexpliquer à sa sauce. Ça doit être quelque chose. Donc, il nous explique au début d'où il vient, qui il est, etc. D'ailleurs, il s'interroge sur l'intérêt de faire un roman en disant que là, il venait de passer deux pages à nous raconter quelque chose, alors qu'en fait, en deux cases, ça aurait été, on aurait montré la même chose sur un comics. Ce qui est plutôt vrai. Voilà, il passe son temps à nous parler à nous. Ses voix intérieures nous parlent aussi à nous, et lui parle à lui, et se parlent entre elles. C'est un beau bordel entre ses multiples personnalités. C'est hyper drôle. Ça peut paraître, par contre, un peu too much pour les personnages qui aiment Deadpool, mais pas trop. Parce que là, vraiment, ils vont à fond dans le côté troisième, dans le côté quatrième mur. Ils vont à fond dans le côté personnalité multiple, des connards, des compagnies. Enfin, voilà, c'est... Le curseur est vraiment poussé au maximum sur tous ces trucs-là, donc des fois je peux comprendre que, voilà, que ça puisse être lassant. Mais en tout cas, c'est une histoire super cool. Enfin, voir Deadpool qui traque des chiots, moi ça me fait rire. Et puis voilà, cet intérêt d'avoir le personnage qui nous parle là dans le roman, on l'a parce qu'il attire notre attention sur des détails en nous disant. Vous savez, je vous parle de ça, mais c'est pas du tout important. Ça va pas être réutilisé plus tard dans l'histoire, donc n'y faites pas attention. Et évidemment, plus tard dans l'histoire, cet élément-là revient. Enfin, voilà. Donc du coup, très sympa, très très sympa. Je suis super content d'être tombé là-dessus. C'est un roman qui fait 300 pages à peu près, qui se lit très bien. Ah, c'est Ant-Man, le quatrième qui sortira en avril. Ah, okay. C'est un beau format, enfin format un peu agrandi, enfin c'est pas un roman en format poche. 16 euros, un peu cher. Ouais, combien de pages? 300. Ils Ouais, en c'est profitent, hein. gros. Ouais, Alors, quand c'est même. 300 pages, c'est pas écrit en gros, hein. Il y a de la Ah, lecture. c'est pas écrit en gros? Y a de la lecture. D'accord. Moi, je l'ai pas encore terminé pour le moment, hein. J'en suis deux bons tiers, on va dire. Donc, je ne sais pas encore quelle est la conclusion, mais ça m'occupera le début de semaine. Donc voilà, Deadpool Apocalypse Show, c'est dispo chez Huggin et Menin, ainsi que le roman Gardien de la Galaxie, l'univers aux trousses, qui lui est scénarisé par Monsieur Dan Abnett. Ah, Quand même. intéressant. Et c'est quoi le troisième? Non, le troisième et quatrième, c'est ceux qui sortiront en avril. C'est la novélisation de Civil War, donc guerre civile, et on aura droit à un Ant-Man aussi. Ah, Yuki, ouais. Ni l'un ni l'autre. C'est ça. À voir. Allez, on va arrêter avec ce pack comics de la semaine et on va passer à l'actu ciné. Quelques films qui font parler de beaucoup de films. Peu de news par film, mais beaucoup de films cette semaine. Et on commence avec Captain America Civil War, Arnaud. Oui, il faut bien en parler puisque le film arrive bientôt. Et l'une des dernières choses qui était à peu près mystérieuse dans le film, c'était le rôle de Martin Freeman. Il était inconnu, même si on pouvait, certains l'avaient deviné. Et donc, c'est Empire, hein, qui a révélé son nom en montrant une photo dans leur dernière revue. Et donc, Martin Freeman jouera Everett Ross, qui dans les comics est un représentant des États-Unis au Wakanda. Donc on voit tout de suite le lien avec Black Panther. Et donc on sait que Everett Ross, bosse au Wakanda. C'est un membre du Joint Counter-Terrorist Center. Donc cette organisation qui, entre guillemets, remplace le Shield, qui est la nouvelle autorité pour les personnes avec des pouvoirs, pour les super-héros, et qui met en place je sais plus comment ils appellent dans le film, cette loi, je sais plus comment ils l'ont appelée. Bref, Le Registration Act. le Registration Act. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Empire, justement, il y a une photo de Martin Freeman dans le film, aux côtés de Sharon Carter. Ouais. Ah oui, On se exact. demandait où elle était partie depuis la fin de Winter Soldier. Et apparemment, Sharon Carter est un peu passée du côté des méchants, entre guillemets. Welcome in Wakanda. Ouais, et donc on savait, c'était Kevin Feige, il me semble, qui l'avait annoncé il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois, que Martin Freeman a un petit rôle dans Civil War, mais qu'il a signé pour plusieurs films et qu'il va prendre de plus en plus d'importance. Donc on peut imaginer un rôle plus important dans Black Panther. Ouais. Ce qui paraît très logique. Ouais. Allez, on enchaîne avec la suite, Infinity War, Clément. Qui s'annonce, qui commence à faire de plus en plus parler d'elle. Et donc là, on avait déjà une idée du nombre de personnages Ouais. qui seront présents dans Avengers. Et ce n'est plus 67 personnages. Non. 60, ça sera 68 personnages. Précision importante. Après, il faut Précision importante. préciser, d'après l'article de Comic Book qui parle de ça, ils ont dit que ils ont annoncé ça donc à une convention le mois dernier pour les 67 personnages. Hein, et après, les Russo avaient été revenus sur ce qu'ils avaient dit. Ils avaient dit on a dit un chiffre au hasard. Hein. Et Ah. ensuite, ce week-end, ils ont refait une convention. Ils ont dit ah mais non, en fait, c'est pas 67, mais on sera 68. Ouais, Donc est-ce que ah, c'est vraiment 68 ou c'est juste un chiffre au hasard ouais. pour dire on est Enfin, nombreux et puis on a tiré de nouveaux personnages donc on va plus dire 67 mais on va dire 68. non, mais ouais, enfin, quand tu vois le budget qu'ils vont avoir pour un film, je crois que c'est 1 milliard par film, c'est ça? Non, 1 milliard pour les deux. Oui, voilà, c'est déjà quand même pas mal, hein. Un C'est pas mal milliard pour les déjà. deux? Ouais, Un c'est budget de bref. 500 millions, c'est énorme, hein. C'est plus qu'énorme. Ouais, tu te dis, C'est deux fois c'est ça, Star les Wars, hein. mecs ont moyen, oui, c'est ça, oui. Voilà, les mecs, tu te dis quand même, ils ont quand même moyen Oui, il va y de avoir beaucoup de rassembler personnages, mais un peu après, dingue, 68, quoi. c'est un chiffre au hasard. Apparemment, ce serait plutôt un Oui, chiffre au non, hasard. mais enfin, de toute manière, Bon, sans pour doute la que Civil War, ça va être un truc de fou, l'affrontement quoi. final, forcément, qu'il va y avoir beaucoup de monde. Surtout si Bah, ça va être. tu confirmes qu'on aura aussi les personnages des séries. Puis vous savez, Bah. suffit qu'on ait une petite scène un peu récap à un moment où on nous remontre avec une belle petite musique juste les visages de certains personnages éventuellement disparus ou d'événements Ouais. importants qui ont eu lieu depuis le Oui, début du MCU. Bon, on les a les 68, hein. ouais. Oui. Ouais, Puis même après, avec c'est dur. la fin de certains personnages et l'arrivée de nouveaux, ça peut aussi très vite monter. Oui, non, mais Puis tu prends c'est tous ce que les je veux dire. personnages autour, Ouais. secondaires et compagnie. 68 personnages pour Infinity War, quand on sait vraiment qu'ils ont vraiment envie de marquer le coup avec Infinity War et vraiment de marquer la fin d'une grande, grande, grande première phase quasiment de 10 ans. Ça fera 10 ans. C'est ça. Ça Oui, ça fera 10 ans. fera 10 ans, Donc hein, donc ils 11. vont vouloir marquer les 10 ans. Donc c'est loin d'être impossible. Enfin, c'est clair que 68 personnages, c'est plutôt quelque chose de réaliste. À voir qui ça sera, mais bon, enfin voilà, c'est. Bon, c'est sûr qu'ils seront très importants. Bah oui, voilà, ils seront très importants, c'est sûr. Allez Clément, on enchaîne avec Deadpool et on va accélérer un peu. Oui, au niveau du box-office, bah, Deadpool continue sur sa lancée, puisque il est le troisième, c'est son troisième week-end où il est en tête du box-office américain. Donc en face de notamment une bouse annoncée Gods of Egypt, qui lui a 4 millions. Non mais c'est vrai, c'est une bouse Oui, annoncée, bah qui a vu 4 oui. millions. Vu les images, 4 millions 8, devant Triple 9, 2,1 millions, et Evil Dead à 1,9 million, ce qui fait en fait, pour du coup, il a accumulé 9 millions de dollars. Voilà. J'ai lu, le film a fait plus de 600 millions à travers le monde. Ouais, Ouais, okay. donc ralentissement quand même, D'accord. certes en Ensuite, troisième semaine, mais c'est gros quoi. oui, Et ensuite, du coup, oui. c'est énorme. Au niveau de Deadpool 2, ça se précise petit à petit, et les scénaristes ont dit qu'ils utiliseront sans doute X-Force, ce qui n'est pas vraiment surprenant. On connaît le comic, c'est le personnage. Voilà. Et sinon, on en a su plus sur au niveau des scènes supprimées ou non. Et apparemment, il y a eu la dose de scènes supprimées et également de personnages qui n'ont pas été retenus. Ouais, et Donc j'ai tout pu ça a trouver des été infos. donné sur YouTube. Hein, voilà, vous pouvez voir ces scènes coupées et tout ça. Il n'y a pas de, Ah, je ne savais pas ça, y par a contre. pas de souci. Elles sont notamment sur le site comicbook.com. Alors, Clément, passer de Deadpool à Wolverine 3, ça va peut-être être trop brutal. Donc, je propose qu'Arnaud, tu commences avant avec Fantastic Four. Fantastic Four. Ouais, donc ce week-end avait lieu les Razzie Awards, juste avant les Oscars. Donc Fantastic Four n'est pas nommé pour les Oscars, hein, je vous Ah bon? rassure. Mais il y a Non, les sans Razzie. blague. Juste pour ça, juste pour ce film, il y a les Razzie. On a dû donner le Razzie d'honneur à Fantastic Four, hein, mais face à eux, il y avait quand même Fifty Shades, donc c'était une dure compétition. Mais Fantastic Four a quand même gagné pas mal de Razzie Awards. Et donc ils ont quand même gagné pire film, pire réalisateur et pire remake ou suite. C'est pas mal. Qui est fort Trois quand même. radis importants pour Bah, qui est fort Fantastic quoi. Four. Pire C'est remake, adaptation ou remake. switch, je crois. C'est ça. Ouais, je crois. Pire remake, quand on voit le remake avant, quand on voit la boucle qui était les deux premiers Fantastic Four. Donc, bah, c'est bien, ça fait trois jolis prix qui. Voilà. Trois jolis prix pour ce On rappelle que Howard the Duck, de l'autre côté, pire film de l'année également, pire acteur dans un rôle masculin. Voilà. Il avait déjà vu chez nous sa bonne dose de prix. Voilà, les radis sont venus confirmer ce que nous pensions et ce que nos lecteurs auditeurs pensaient. Donc impeccable. Allez Clément, maintenant par contre, il faut y passer. Oui, vous le savez sans doute, vous l'avez peut-être oublié car il n'a absolument pas ce film. Wolverine 3 est censé sortir dans les cinémas à partir du 3 mars 2017, dans à peine un peu plus Pas d'un dans an un an, du coup, ouais, dans un an et 2 jours. dans un an. Ouh. Et donc, Ouais. il serait temps, mais le début du tournage est proche, donc je crois pas qu'il y ait deux dates précises. À peu près dans un Et mois. surtout, dans un mois, bah j'espère pour eux quand même. Et également, on sent pas du tout l'effet Deadpool. Et alors, pas du tout. La production a annoncé que The Wolverine 3 serait classifié R-rated. Donc en gros, moins de 17, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc Et comme passons Deadpool maintenant, hein, 3. ça va être la mode. Hein. Ils vont tous C'est vouloir l'être. ça. Hein. R-rated, ça va être Ça une va être la espèce de mode. Saint Graal C'est ça. Ça va être la mode. C'est ça. Est-ce que ce sera la mode, Batman v Superman? Oh, mais c'est grande question. Alors, le film n'est pas encore sorti. Non. Qu'a été annoncé une haute version qui va sortir en DVD Blu-ray. Et alors, comme par hasard, Ah, c'est ça va être bizarre, hein. une version. Comme par hasard, c'est vraiment bizarre le hasard. Ce sera une version R-rated. Dis Comme par donc. hasard, mais c'est Étrange furieux. ça. Puis ils l'ont pas annoncé avant. Hein. Ils ont bien attendu après Deadpool Ils pour ont le bien attendu dire. Deadpool, quoi. Même si soi-disant ils s'étaient décidés depuis longtemps, ils ont quand même attendu de voir le succès du Allez. film, hein. Alors moi, ce qui m'emmerde, c'est que voilà, le film n'est pas sorti et on nous dit qu'on va avoir un DVD Blu-ray qui s'appellera Ultimate Edition. Bah, à quoi ça sert d'aller le voir au cinéma, les gars? Exactement. C'est ça. Il y a un moment, c'est Exactement soit ce que j'ai pensé. tu nous proposes le film que tu veux faire, soit tu le fais pas et tu le sors directement en DVD, en Ultimate Edition, comme ils veulent l'appeler. Si tu l'appelles édition ultime, bah déjà avant la sortie, ça décrédibilise le film. Bah, on est Oui. d'accord. Après, ça, faire des éditions ultimes, c'est un coup marketing qui arrive Ouais, mais souvent. tu l'annonces Mais après le film, après la exactement, sortie. j'allais dire, tu l'annonces après, parce qu'avant, ça n'avait aucun intérêt pour le spectateur. Ce truc-là, c'est pourquoi? C'est pour avoir des scènes un peu plus violentes. Voilà, Ouais. super. Version ultime pour des scènes un peu plus violentes. C'est ça. Tu veux dire qu'on aura enfin voilà des scènes édulcorées. Enfin bref, c'est Warner dans toute sa splendeur. Voilà. Bah, On a eu des projections, Clément, pour le premier week-end ouais, d'exploitation. c'est pas génial génial. Donc Ah le bon? premier, enfin c'est pas mal quoi, mais enfin je me rends pas compte. Mais après il y a Moi, déjà eu je pire. trouve que c'est pas génial. C'est pour le film peut-être pas, mais c'est pas mal. Non, mais pour un film Batman v Superman qu'on nous vend et rabat les oreilles Oui, c'est depuis des ça. années et qui est Je pense soi-disant que t'es attendu par pas tout le énorme, monde, quoi. je trouve ça pas terrible. Moi non plus, je suis d'accord avec Mathieu. Alors oui, c'est vrai, pour les films, en termes de films même, c'est vrai que c'est pas mal, mais pour un film Batman v Superman, on est censé voir la Trinité, chose que les fans attendent depuis des décennies au cinéma, c'est pas terrible, quoi. Enfin, Après, bon, ça reste des ils projections. attendraient, On va quand même dire c'est ça reste combien? des projets. Oui, ça serait, les projections seraient entre 100 millions et 140 millions de dollars. Donc, pour rappel, on avait eu, par exemple, à titre de comparaison, The Dark Knight Rises avait fait une ouverture à 160 millions et The Dark Knight à 158. Et ben là, bien sûr, The Avengers et Avengers est largement devant avec 207 millions et 191 millions. Voilà. Et Mais même, ces films-là sont sortis au printemps ou à l'été. il me semble, sans dire de grosses conneries, que c'est ce qu'avait fait Deadpool, à peu près 140 millions sur le premier week-end. Ouais. Possible, ouais. Alors que les projections ont donné la moitié moins. Début février, donc bon. Voilà, c'est que des projections, effectivement, ça peut beaucoup changer, mais c'est quand même pas des projections Ouais, hyper optimistes. c'est ça. Ça semble montrer l'état d'esprit qui règne autour du film, quoi. Allez, la news troll de la semaine sur le film. Oui, Incroyable. La alors, plus importante. devinez la chose là qui rassure énormément. Apparemment, Affleck aurait réécrit le scénario en costume de Batman. Voilà, donc c'est-à-dire pendant qu'il faisait le tournage, il était en C'est costume, ça. il aurait réécrit plusieurs parties, plusieurs scènes du film à la volée, quoi. Parce que visiblement, ça ne lui plaisait pas. Et donc d'une. Moi, ce qui m'inquiète, si c'est vrai, hein, parce que c'est de la rumeur, ce qui m'inquiète, c'est le mec, ça lui plaît pas, il réécrit. C'est Il n'y ça. a personne qui tient la baraque pour lui dire non, mec, le film qu'on a prévu, c'est ça, toi, t'es acteur, tu joues ce qu'on te demande de Ouais, jouer. c'est Ça veut dire ça. qu'il n'y en a pas un qui tient la baraque à la maison là-bas. Et si vraiment on l'a laissé faire et qu'on a validé sa version écrite sur un coin de table, qu'est-ce que c'était la version avant? C'est ça. C'est pas vraiment rassurant. Donc je comprends que cette news soit pas confirmée. Ah bah tu m'étonnes. Allez, on termine avec Batman v Superman et on connaît l'identité de celui qui joue Doomsday. Ouais, mais alors, enfin, j'en parlerai après. Joue Oui, qui, oui, Oui. qui double là. Je joue. Ouais, donc c'est Robin Atkin Dodds. Ouais, Voilà. voilà. D'accord. Youpi. Alors putain, mais quelle idée d'avoir dévoilé Doomsday. Ah bah oui, non bah ça c'est ça, hein. Quelle idée, ouais. Ça c'est sûr. Non, Quelle mais idée de quelle dire qu'on va idée, faire une quoi. édition ultime avant que le film sorte. Quelle idée de dévoiler les surprises. Bah oui, bah oui. Bah, surtout Doomsday, quoi. En plus, il a l'air Allez, dégueulasse, donc. Justice League, Arnaud va entrer en tournage. Oui, et à peine déjà sorti que à peine Batman v Superman sorti qu'ils vont déjà retourner sur les plateaux de tournage et le film a été annoncé, en tout cas la première partie de Justice League entrera en tournage le 11 avril. Et donc ils enchaînent un petit peu quand même déjà parce que Carrément. Wonder Woman est en Ouais. tournage va se terminer dans les prochaines semaines et tout de suite après quasiment c'est reparti pour Justice League. Elle s'arrête plus Gal Gadot. C'est ça, elle a son calendrier qui est bouclé pour 2016, dans le même costume. J'espère qu'elle en sort de temps en temps quand même. Ouais, j'espère qu'elle aime son rôle surtout. Allez, on va continuer. On va terminer le cinéma avec Star Wars. Sept scènes inédites seront disponibles sur la version Blu-ray de The Force Awakens. Donc des scènes qui ne manqueront pas d'être scrutées Bah et oui, forcément. rescrutées et machin. Après, c'est des scènes supprimées, donc pas dans la continuité, mais forcément, les gens vont vouloir y trouver des indices, des choses. Enfin, voilà. Et puis autre chose qui a fait pas mal la rumeur cette semaine, qui a été assez rigolo à suivre de loin, j'ai envie de dire. C'est ça. Rigolo, je suis pas sûr que ce soit le terme. Si, parce Bon, que, si, enfin, quand même. C'est marrant de voir les mecs. plutôt désolant. Moi, je trouvais, voilà, bah, c'est dans ce Oui. sens-là, hein, moi, je trouvais, voilà, bon. Débat qui a été tranché par J.J. Abrams en fin de semaine, qui a dit que oui, il est grand temps que des personnages gays fassent leur apparition dans l'univers Star Wars. Moi, il a raison. J'ai envie de dire, il y a des centaines de comics qui sont sortis sur Star Wars, il y a eu des personnages gays pendant des années, donc oui, il est grand temps que ça arrive dans les films, oui. Oui, je vois pas en quoi ça Vois choque, même pas, enfin. voilà, déjà je vois pas, enfin, pourquoi ça choque à la rigueur, la question se pose même pas, mais Ouais. enfin, je vois pas Enfin, pourquoi que les ils ont gens été obligés de faire s'étonnent. des photos toute la semaine, de faire une espèce C'est ça. de teasing comme s'ils annonçaient la révolution, enfin, C'est ça, c'est c'est. surtout ça qui est Enfin. rigolo, quoi, c'est que, Bah, et puis la réaction des gens, c'est assez. Parce que tout de Enfin, suite, il y en a qui ont dit, bon, bah alors que ça soit une relation entre Poe et Finn, quoi. ben oui, c'est les deux nouveaux personnages masculins, pourquoi pas? Moi, j'aimerais. Ça changerait, quoi. Ça Le pourrait fait être qu'il y ait deux. R2 et C-3PO aussi. Ou alors Ce Chewbacca qui et. expliquerait, Clément, le bras rouge. Allez, on va enchaîner. Oh On va. Bah, il faut une explication à ce putain de bras, bordel. ah, c'est Ou dégueulasse. avec Chewbacca, je sais pas. Allez, Chewbacca. Ouais, Chewbacca, c'est trois frigos. on va enchaîner avec les news comics VO pour pas poursuivre dans le dérapage. DC a sorti une nouvelle application, DC All Access, qui est une application qui lui sert à relayer toutes les news ciné, télé, comics, voilà, toutes les news de DC seront sur ce site, toutes les vidéos proposées par DC, les bandes-annonces, les émissions hebdomadaires sur la chaîne YouTube, etc. Tout ça sera proposé sur cette application, qui a aussi des sondages, des quiz, des petites choses, voilà, pour des petits concours. Voilà. Une application qui est plutôt pas mal faite, qui a été lancée cette semaine, voilà. Et puis DC a annoncé également deux nouvelles figurines Funko Pop, Supergirl et Power Girl. Yuki. Tiens donc. Supergirl, il était temps, vous me direz. Et puis du côté de chez Marvel, c'est John Cassaday qui revient sur Captain America. Enfin, ne nous emballons pas, hein. Il va pas faire une série régulière, il va faire une histoire courte. Déjà pas mal. Monsieur Cassaday, quand il s'agit de faire une série régulière, on sait bien ce que ça donne. Donc voilà, c'est une histoire courte qui sera dans le Captain America 75th Anniversary Magazine Special, donc un numéro qui va fêter le 75e anniversaire de Cap, donc avec notamment, entre autres, une courte histoire dessinée par John Cassaday, qui était déjà dessinateur sur le personnage il y a quelques années, et voilà, un passage qui avait marqué les fans, parce que c'était vraiment, en tout cas pour le dessin, somptueux. Et puisqu'on est dans Cap, rappelez-vous, je vous avais parlé d'une figurine basée sur le design Baby de Scotty Young, qui a été fait pour Captain America. Et cette semaine, on a appris qu'on aurait aussi une figurine Iron Man et une figurine Hein? Thanos, Ah, c'est trop classe. basée sur les mêmes designs. C'est absolument cutissime à souhait. Ah, C'est, c'est voilà, trop elles sont bien. incroyables. Je les veux. C'est vraiment le dessin de Scotty Young en 3D, quoi. Il n'y a pas de, voilà, quand on Ah. compare la figurine de Thanos et la cover qu'il avait faite, c'est ça, quoi. Ah ouais, non, elles sont trop bien. 60 $ pièce quand même. Hein. Ah. Ouf. Ah, c'est moins bien, hein, Clément. Ouais, c'est moins bien, ouais, C'était ça plus ressemble mal. un peu. Hein. Et pour terminer, dernière news, Marvel répond à DC Rebirth et relance Timely Comics. Timely Comics, c'est quoi? C'est bah, le nom tout simplement de Marvel, avant de s'appeler Marvel, c'était Timely. Allez, bâtard. Et donc du coup, ils vont lancer une bannière Timely Comics sur des choses qui sortiront des singles hyper épais, en fait, qui vont recueillir les trois premiers numéros de séries récentes. Donc pour faire un peu de rattrapage et gonfler peut-être les ventes de Allez, TPB. troll. Voilà. Donc en fait, ce sera les trois premiers numéros de séries pour $3 en single, enfin en gros single. Donc il y aura Invisible Iron Man, All New and All Different Avengers, All New Inhumans, Carnage, Daredevil, Drax, Doctor Strange, Moon Girl and Devil Dinosaur, New Avengers, Scarlet Witch, Squadron Supreme, Totally Awesome Hulk, Ultimates, Uncanny Humans, Venom Space Knight et Web Warriors. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 comics à $3 qui vont regrouper chacun 3 numéros, donc des gros trucs bien épais. Et quand est-ce que ça va sortir? Bah en juin, bien sûr! Ça va, la guerre entre Marvel Les et DC, bâtards. c'est Voilà, grave. donc en juin, C'est vraiment pile le mois de DC vraiment Rebirth. des trolls, mais. Ça, vraiment, on s'y Allez, attendait. bonne grosse fois. À noter que le logo de Timely Comics, c'est le bouclier en triangle de Captain America, celui-là même que le personnage va récupérer dans sa série, en mai ou en juin, je sais plus. Voilà. Génial. Clairement, là, qu'est-ce que fait Marvel? Bah, tout ce qu'il faut pas faire. Irréductible. Voilà. Sachez qu'on va dépasser les 100 singles en juin chez Marvel. What? C'est Si on trop. garde, le même nombre de singles que mai, qui doit être de 98, 99, je ne sais plus, plus ces fameux Timely Comics, on dépassera les 100 singles proposés par Voilà, Marvel c'est en juin. beaucoup trop. C'est Ils sont aberrant. fous. C'est aberrant. Évidemment, étouffant le marché, on risque de concurrencer DC. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Va chialer, quoi. Et Enfin... puis, pour moi, proposer des demi-TP à 3$, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est sûr. On propose des demi-TP, des épisodes 1 à 3 à 3$. Sauf que les numéros 4, 5 et 6 qui sont derrière, quand on les retrouve comment pour les acheter? Eh ben, il faut qu'on rachète le TPB qui lui va coûter 20$. Ouais, Alors que c'est t'as sûr. déjà les trois premiers. Voilà. Faites des TPB, à un autre prix. 20$ le TPB chez Marvel. Enfin, c'est n'importe quoi. Énorme. Alors, si vous voulez que les gens s'intéressent aux nouvelles séries du côté de chez Marvel, eh ben, il y a une chose à faire, c'est les TP à 10$. Voilà. Il y en a d'autres Comme qui Image. le font, ça marche très bien. Ou même à 15, hein, chez DC, ils sont à 15$ les TP. C'est Ouais, quand même c'est beaucoup pas plus raisonnable. inutile. Que Parce que 20 dollars. 20$ un TP de 5 numéros, bah, c'est aussi cher que d'acheter les singles. C'est ça. Alors que l'intérêt des TP, c'est que ça soit moins cher qu'acheter les singles. Oui, parce qu'on attend, donc voilà. Donc bon, on parlera pas du prix des hardcovers, mais voilà. Non, mais c'est Voilà, n'importe bah, pour quoi. moi, ça, c'est la connerie. Voilà. C'est Bah, ils veulent Marvel se la jouer trône, dans toute quoi. sa splendeur niveau connerie. Voilà. Là, cette annonce de Timely Comics. Non, mais attends, mais sans single, comme c'est plus de Voilà, bah 100 c'est, singles. on est en train d'étouffer le marché et vous verrez qu'à cause Bah, au bout d'un moment. de comportements comme ça, ils vont faire exploser littéralement le marché. Bah oui, DC enfin. réduit la voilure, réduit les prix, et en face, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les prix et ils augmentent le nombre de titres. Ils semblent oublier l'histoire qu'ils ont vécue et ce qu'ils avaient déjà fait et qu'ils avaient conduit à la situation qu'on connaît tous à la Dans le fin des années trou, bien sûr. 90. Bah, au bout Voilà. d'un moment, ça va leur retomber sur la gueule, hein. Donc bon, on verra, mais enfin, c'est vraiment le truc que j'ai lu cette semaine parmi toutes les news. Je crois que c'est ce qui m'a le plus agacé. Bah, en même temps, enfin, c'est. Ouais, non, c'est du foutage de gueule, puis c'est pas. Enfin, à côté, enfin, c'est. Bah, du coup, c'est bien, il montre bien tout le parallèle entre Marvel et DC. D'un côté, effectivement, il va réduire ses prix, et. Enfin, il y aura très peu de comics DC, normalement, sur le mois de juin, et là, Marvel, qui balance ça pour les troller et essayer de les concurrencer, et eux, c'est plus de 100 singles, quoi. C'est impensable. Voilà. Voilà donc qui conclut ces news comics. Des fois, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ça. Et qui conclut du coup le mag. On se retrouve cette semaine jeudi pour le Sur nos écrans numéro 44. On ne vous parlera pas de série, on vous parlera d'un film animé, le dernier né du DC Extended Universe, je sais pas quoi, Animated là. Il s'agit de Batman Bad Blood, où ça y est, tous les personnages de la Bat Family sont là. Enfin. Jeudi pour sur nos écrans et mardi prochain, le mag numéro je ne sais pas combien, mais ce sera celui du 8 mars en tout cas. D'ici là, bonne lecture, bonne série et à bientôt. Salut. Salut.